Christ, Ndikoma Nyanga. Merci de rester fidèle à la radio Isanganiro. Bienvenue en ce journal, l'édition de la mi-journée de ce dimanche 4 août 2019, dont voici d'abord le sommaire. Pour lutter contre l'évasion fiscale, l'OBR fait recours à la confiscation des marchandises. Les amendes de la valeur en douane et le moyen de transport utilisé comme quelques-unes des sanctions appliquées aux fraudeurs en douane. Vous l'entendrez dans l'analyse du chef du service équipe mobile à l'OBR. La CNTB, la Commission nationale terrain au très bien, compte doubler d'efforts pour traiter le grand nombre des dossiers concernant les conflits fonciers dans les provinces de Makamba et Rumonge, annonce faite par le porte-parole de la Commission nationale des terrains au très bien. C'était vendredi lors de la présentation des réalisations de la dite commission. Et la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi appelle les consommateurs de poissons Ndagala, en cette période de forte prise de lait séché et lait fumé, deux techniques de conservation faciles, vous l'entendrez aussi dans ce journal dont la mise en onde est assurée par Alphonse Kouguimane. Isanganiro, la radio de l'avenir. La confiscation des marchandises et les amendes de la valeur en douane et le moyen de transport utilisé sont quelques-unes des sanctions appliquées aux fraudeurs en douane. Dans son analyse sur la fraude douanière et la contrebande, Jean Mounikez Vigilimana, chef du service équipe mobile à l'Office burundais de recettes OBR, précise qu'il y a différents modes opératoires liés à l'évasion fiscale. Cela a un impact négatif sur la réalisation des projets du gouvernement. Plus de précisions avec Mary Kanyang. La fraude sur la facture commerciale et d'autres documents de transport, la minoration des quantités de marchandises, une fausse origine des marchandises, le détournement des marchandises exonérées sont quelques-unes des formes courantes de fraude et de contrebande observées au Burundi, précise le chef du service équipe mobile à l'OBR. Des infractions douanières réprimandées par des sanctions prévues par la loi sur la gestion des douanes de la communauté est-africaine, poursuit-il. Ces sanctions sont de trois sortes, il cite les amendes appliquées à deux niveaux. Il y a notamment une amende de 50% de la valeur en douane et une amende sur les moyens de transport utilisés. Pour cette deuxième catégorie d'amende, l'auteur de la fraude paye 20 $ américains pour les vélos, 200 $ pour les motos, 600 $ américains pour les voitures, 1 500 $ pour les véhicules, Jeep ou IAS. Il paye 2 000 $ pour les camions dont la capacité de chargement est inférieure à 4 tonnes et 3 000 $ pour les camions ayant une capacité de chargement de 4 tonnes et plus mais inférieure à 10 tonnes. En plus des amendes, ce cadre de l'Office burundais des recettes OBR parle de l'emprisonnement jusqu'à 5 ans sur condamnation et la confiscation pour des marchandises prohibées. Jean-Nikez Bigilimana ajoute que l'incompréhension de certains contribuables et de certains administratifs des missions de l'OBR en matière de lutte contre la fraude, le faible taux de dénonciation des pratiques de fraude, l'inadéquation des moyens alloués à la lutte contre la fraude sont quelques-uns des défis à la lutte contre la fraude et la contrebande, ce qui affecte négativement la mise en œuvre des projets de développement du pays. Merci à Mireille Kanyang. Je vous le dis en titre, la Commission nationale des terrains au très bien CNTB indique que les membres de cette commission travaillent en synergie pour vider dans les meilleurs délais un plus grand nombre de dossiers observés dans les provinces de Makamba et Rumonge. Le porte-parole de cette commission explique que même les membres provenant des autres provinces viennent appuyer dans ces deux provinces. C'était ce vendredi lors de la présentation des réalisations depuis que la nouvelle loi régissant la CNTB en mars 2019 a été promulguée, suivez le porte-parole de la CNTB. Sur la question de savoir pourquoi il y a un ralenti au niveau du traitement des dossiers dans la province de Rumonge et Makamba, le premier est que Depuis le déclenchement de la crise de 1972, la crise a été commencée à Makamba et aussi à Nyanzarak, dans la littorale d'Olimbo, où les gens ont été accusés de traite pour que leurs biens soient vendus et soient pillés, aussi que les biens soient pris par des hommes. Aussi, il y a la caractéristique de la fertilité du sol de la plaine d'Olimbo, principalement à Rumonge et à Nyanzarak. Les gens se sont précipités à prendre des terres des réfugiés, des terres vides pour y cultiver de la palmeraie et qui est productif dans ces deux provinces. Aussi, la Commission nationale des terres et autres biens a pris des stratégies pour travailler en synergie. Donc la commission est composée de 50 membres, à l'exception de 3 membres de bureau. Tous les 47 membres de la commission vont dans la province de Makamba pour travailler là pendant un mois ou une semaine ou deux semaines pour vider dans le plus bref délai les dossiers se trouvant dans ces deux provinces. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'Office burundais d'emploi et de la main-d'œuvre (OBEM) a déjà autour de 800 jeunes sans emploi en vue de rendre compétitif sur le marché de l'emploi. Le directeur général de l'OBEM qui indique le directeur général de l'OBM demande à l'État d'accorder des facilités aux entreprises afin que ces dernières puissent créer de l'emploi. Emmanuel Ndouarougira fait savoir que le manque de moyens constitue un des défis pour l'expansion de ces formations à plus de jeunes sans emploi. On l'écoute. Et ce que nous faisons pour eux actuellement, ce n'est que chercher des formations, soit pour leur recyclage, je dirais, ou même pouvons les chercher des formations de reconversion pour les reconvertir. Si la fille a un diplôme d'instituteur, alors qu'il n'y a plus de place dans ce domaine-là, on peut le reconvertir vers un métier quelconque, soit la soudure, la coiffure, l'habillement, pour que, en tout cas, ils ne restent pas bras croisés. Qu'est-ce qui devrait être fait pour faire en sorte que les entreprises puissent embaucher plus de nouveaux demandeurs d'emploi et par qui? Il y a la question d'expérience qui est évoquée chaque fois. Pour cela, à ce qui nous concerne ici à l'OBM, c'est justement ce que je viens de vous dire. On essaie de recycler ces jeunes gens pour qu'ils restent à la hauteur des autres. Et s'il s'agit de passer des tests de recrutement, qu'ils soient aussi compétitifs comme les autres. Mais aussi, je crois qu'il faut aussi aller au niveau des axes de notre politique, de la politique nationale de l'emploi. Troisième axe, je crois que ça nous dit qu'il faut encourager les entreprises. Et à ce côté-là, c'est ce que nous demanderons au gouvernement pour que le gouvernement soutienne les entreprises et à leur tour, les entreprises peuvent créer des emplois et donner aussi des stages. Comment soutenir les entreprises? C'est voir comment, par exemple, on peut mettre un fonds pour faire avancer les entreprises. Il y a des entreprises qui ont besoin d'avancer mais qui n'ont pas de fonds nécessaires. À ce niveau-là, si les entreprises sont soutenues, à ce moment-là, ils peuvent créer des emplois et donner des stages. Le directeur général de l'OBM était au micro de mon confrère Charles Makoto. Rendons-nous au sud du pays, précisément à Rumonge. Le séchage avec le sel et le fumage des poissons d'Agala sont deux techniques de conservation facilement applicable chez les consommateurs de Ndagala en cette période de forte prise de Ndagala. La Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons Burundi qui donne cette orientation indique que les prix au kilo de Ndagala ont chuté jusqu'à près de 50% cette semaine. Les précisions avec Jean-Pierre Messago. Durant cette semaine qui s'achève, d'importantes prises de poissons, essentiellement les Ndagala, ont été enregistrées et les clés de séchage sur certaines plages ont été débordées, comme c'était le cas à la plage de pêche de la ville de Rumonge ce vendredi. Ici, certains pêcheurs ont dû même solliciter les clés de séchage de la plage de Kagongo voisine. Le prix au kilo des Ndagala de première qualité, communément appelé Akarumba, est passé de 30 000 francs burundais à un prix variant entre 16 et 18 000 francs burundais selon certains consommateurs interrogés. Selon Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, il s'agit d'une situation observée pendant la saison sèche, expliquée par la diminution de l'ampleur des vagues et une eau chaude de la surface provoquant la montée des poissons. Les consommateurs doivent donc prendre des précautions en séchant avec un peu de sel et en fumant les ndagara pour une plus ou moins longue période de conservation et par conséquent de consommation. Selon lui, les ndagara ainsi conservés peuvent passer jusqu'à 3 mois sans se détériorer. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misag. Avant de parler l'actualité internationale, parlons sport. Le match retour du championnat de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux Chan en sigle entre le Burundi et le Soudan est prévu ce dimanche à 15h. Ce match va être joué au stade national de Mandela en Ouganda du fait que le stade de Djouba au sud-soudan est en train d'être réhabilité. Lors du match aller joué le 27 juillet au stade Intwari de Bujumbura, le Burundi avait battu le Sud-Soudan 1-0. Pour que le Burundi puisse continuer, il doit nécessairement gagner le match d'aujourd'hui ou égaliser afin d'avoir la chance de jouer contre l'Ouganda qui a éliminé ce samedi la sélection somalienne sur le score de 3-1. Actualité internationale. En actualité internationale, à l'occasion de son Assemblée générale à Johannesburg, Amnesty International a organisé un rassemblement contre les violences faites aux femmes dans le pays. Selon les dernières études, le taux de féminicide en Afrique du Sud est 5 fois plus élevé que la moyenne mondiale, alors que le pays célèbre en août le mois de la femme. Plus d'une centaine d'activistes se sont retrouvés à Pretoria en Afrique du Sud pour dénoncer ce mal qui ronge le pays. Le conseil militaire qui dirige le Soudan et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord ce samedi 3 août sur une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils dans le pays. C'est le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassen Lebat, qui a annoncé ce samedi à l'aube l'accord entre l'opposition et l'armée qui contrôle le Soudan depuis la chute du président Omar el-Bashir. Les deux délégations sont tombées pleinement d'accord sur la déclaration constitutionnelle, a-t-il déclaré à la presse. C'est l'aboutissement de 2 jours de négociations plutôt difficiles. La déclaration devrait être paraffée dès ce samedi soir et signée dans les prochains jours. La transition devrait durer 3 ans pour l'association des professionnels du Soudan qui est à l'origine de la contestation. C'est un pas dans la bonne direction. Le Mozambique a mis en place samedi les points de dépistage le long de sa frontière avec le Malawi qui, pour prévenir la propagation de l'épidémie de l'Ebola, a paru en RDC, a annoncé un haut responsable du ministère de la Santé. Les postes de contrôle ont été déployés dans les districts de Milangé et Morumbala et devraient s'étendre aux autres provinces de Mozambique qui partagent une frontière avec le Malawi. L'épidémie de fièvre hémorragique qui se transmet par contact humain direct et étroit et dont le taux de létalité est très élevé a fait plus de 1800 morts et touché plus de 2700 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo depuis le 1er août 2018. Le Mozambique n'a pas encore signalé de cas d'Ebola. Les autres pays voisins de la RDC sont déjà en état d'alerte et l'Organisation mondiale de la santé OMS a élevé en juillet l'épidémie au rang d'urgence sanitaire et de portée internationale. Ni le Mozambique, ni le Malawi n'ont pas de frontières directes avec la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Pour lutter contre l'évasion fiscale, le BIR fait recours à la confiscation des marchandises. Les amendes de la valeur en douane et le moyen de transport utilisé, comme l'a dit dans son analyse le chef du service équipe mobile à l'OBR. La CNTB compte doubler d'efforts pour traiter le grand nombre de dossiers concernant les conflits fonciers dans les provinces de Makamba et Lumonge, annonce faite par le porte-parole de la Commission nationale des terres et autres biens. C'était vendredi lors de la présentation des réalisations de la dite commission. Et la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons Burundi appelle les consommateurs du poisson Ndagala en cette période de forte prise de les sécher et les fumer de techniques de conservation faciles. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Nous vous souhaitons de continuer à passer cette journée dominicale.